Radio Pique-Nique, il est 20h05. Bonsoir et bienvenue hein, sur notre émission Le Sons, hein, cette émission annuelle qu'on retrouve ici en direct d'Anderlecht. Le soleil s'est couché il y a quelques minutes sur un beau dimanche ici. On a eu l'occasion de profiter du marché des abattoirs et de passer du bon temps comme ça. Et on est très heureux de vous retrouver donc pour cette émission du dimanche 13 mars. Aujourd'hui, nous recevons un jeune invité qui s'appelle Marius Schafter. Bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius Schafter, vous êtes donc artiste hein, et puis vous avez été invité ici par Radio Pique-Nique pour créer une sorte de contenu radiophonique, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc j'ai eu la chance hein, d'être invité par Jonathan et Séléné hein, qui m'ont proposé de venir ici faire une sorte de recherche autour du média radiophonique. C'était pour moi l'occasion de me confronter, je dirais, avec des choses nouvelles, hein, des choses anciennes pour lesquelles j'avais déjà un petit peu travaillé. Oui, alors ça, on va sûrement pouvoir y revenir par la suite. Marius, peut-être quand même vous présenter un petit peu plus, de manière un petit peu plus approfondie pour nos auditeurs qui, sûrement pour nombre d'entre eux, ne vous connaissent pas encore. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marius Schafter, je suis d'origine helvétique, j'ai 35 ans et je suis danseur, géographe, comédien, chorégraphe, sociologue et metteur en scène. J'ai donc fait des études à l'université hein, qui m'ont donc mené à différents diplômes ainsi que des études voilà, plutôt dans le domaine du théâtre. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Pas grand-chose de plus. Hein. En fait, je m'intéresse beaucoup aux différentes situations performatives, hein, qu'elles puissent être de l'ordre, je dirais, de la scène, hein, mais ça peut aussi être avec d'anciens médias tels que la radio. Oui, alors ça, on va essayer de développer un petit peu la question avec vous. Marius, première question, donc, dans quel état d'esprit vous êtes arrivé ici pour cette résidence? Alors c'est un état d'esprit assez particulier parce que je sortais d'un spectacle assez engageant hein, physiquement et mentalement autour de la question de la nature et de la culture. Hein. Je jouais le rôle d'un panda hein, dans ce spectacle de danse et puis on questionnait justement le rapport entre la nature et la culture et ça a été pour moi donc vraiment quelque chose de très prenant et je me suis retrouvé donc j'ai fini ça un dimanche soir et je me suis retrouvé le lundi matin ici. Lundi dans la journée à Bruxelles, à Anderlecht, pour commencer à travailler là-dessus. Oui, alors très intéressant, hein, le passage de la nature à la culture, et puis ensuite c'est arrivé à Bruxelles, j'imagine, un peu fatigué. Non ? Oui, assez fatigué, et puis il a fallu se ressourcer, et puis aussi... J'imagine s'approprier ces nouveaux outils, hein, qui sont ces outils sonores, qui sont très différents des outils de la scène. Oui, mais qui leur sont en fait assez complémentaires. Pour moi, ça a été très, très, très intéressant. Donc, j'ai tout de suite été assez attiré par différents instruments. Hein. C'était des synthétiseurs ou des boîtes à rythme. Mais bon, peut-être on va... On parlait un petit peu plus tard de cette question des instruments. Oui, ça on reviendra là-dessus dans un deuxième temps. Je vous propose peut-être d'écouter juste un petit morceau comme ça ensemble et puis on se retrouve pour discuter après ensemble. Thank you. After. On retrouve notre invité, Marius, pour discuter un petit peu de ce projet radiophonique qu'on a évoqué. Donc, Marius, tu nous as donné en quelques mots ton profil, hein, tes intérêts, mais moi, j'aimerais savoir un petit peu plus profondément quel est ton rapport avec le sonore, en fait, hein, à travers ta carrière. Est-ce que tu y as été confronté, même en remontant assez loin, si c'est nécessaire? Oui, alors volontiers, ça fait plaisir un petit peu, parce que c'est des choses auxquelles je me suis un petit peu raccroché ces derniers jours, hein, en m'interrogeant sur ce que je pouvais faire. Donc, moi, le sonore, c'est d'abord l'angoisse du tambour. Quand j'étais petit, lorsque j'allais par exemple au cirque et que j'étais par exemple assis sur les épaules de ma mère, s'il y avait un tambour, j'urinais sur ses épaules ou sur ses genoux. Et puis elle m'a souvent raconté cette histoire. Et plus tard, à l'adolescence, j'ai commencé à jouer de la batterie, quoi. Voilà. Donc il y avait déjà cette première contradiction, hein, par rapport à une sorte de peur, hein, qui est devenue un intérêt. Et puis dans le même ordre, j'ai eu à la fin de mon adolescence plusieurs fois des hallucinations auditives, c'est-à-dire que j'avais des sortes d'effets auditifs qui me laissaient penser que le son que j'entendais était déformé, c'était pas vraiment entendre des choses qui n'existent pas. C'est assez particulier comme sensation, ça, Marius. Est-ce que tu pourrais vraiment le détailler pour nos auditeurs? Oui, alors c'est en fait une sensation d'entendre des sons qui sont très loin, les entendre très proches, et à l'inverse, des sons très proches, les entendre très loin. Par exemple, parler avec quelqu'un et ne pas entendre ce qu'il dit, mais entendre ce que dit quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce et qui chuchoterait. C'est une sensation... Pas très agréable, j'imagine. C'est une sensation qui peut être assez pénible. Oui, c'est très pénible. Et puis, voilà, donc un autre rapport à la peur, puisque au même moment, hein, j'étudiais la géographie, et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur les ambiances sonores. Hein. Ah ben alors là, on est au cœur du sujet. Marius, alors qu'est-ce que c'était ces recherches sur les ambiances sonores en géographie? Il s'agissait pour moi de comprendre un petit peu les effets de l'ambiance sonore, hein, et des sons dans certains espaces géographiques, pour essayer de comprendre comment ils peuvent produire un feeling ou une sorte d'atmosphère, hein, qui peut être agréable ou éventuellement désagréable, et qu'on pourrait valoriser ou alors critiquer ou alors aussi transformer. Voilà, ça c'était un petit peu le point de départ. Eh bien, écoute, Marius, on va tout de suite se mettre un petit son d'atmosphère, hein, on va en profiter, voilà. Donc peut-être tu vas l'écouter un petit peu ensemble. Je sais pas si tu as envie de le commenter, hein, Marius, peut-être. Oui. C'est un son assez... Imagine un espace assez grand, assez vide. C'est un son que j'ai enregistré, en fait, dans un musée. Dans un grand musée, parce que Enfin, peut-être qu'on va déjà en venir là, hein. Donc moi j'ai développé dès le premier jour cette envie d'aller chercher un petit peu à comprendre mon rapport avec le sonore dans des musées. Donc j'ai visité différents musées durant cette semaine ici que j'ai passé à Anderlecht et à Bruxelles. Ah oui, alors est-ce qu'on pourrait savoir quel était ce musée là qu'on entend à présent? Et il s'agit du musée Wills, hein, c'est une ancienne brasserie. Et puis moi j'ai essayé d'aller là-bas plutôt pour m'imprégner d'une ambiance, hein, et puis je portais un dispositif assez particulier qui consiste en un casque d'écoute, mais qui serait un leurre. En fait, chacune des oreillettes est un micro qui permet d'enregistrer le son tel qu'on le reçoit en binaural, hein, dans la situation. Donc l'idée, c'est d'essayer de recréer exactement la sensation que je pouvais avoir dans le musée à travers l'écoute de ce son. Oui, bon, on est tout de suite te confronter à une grande problématique. Là, c'est la question de réussir en fait à rendre compte, hein, de l'espace visuel, hein, puisque là on a quelques petits sons, mais comment travailler là-dessus, comment rendre compte au fond de ça. J'imagine que tu t'es posé ces questions durant cette semaine. Oui, évidemment. Donc moi, j'ai une façon de travailler, hein, qui consiste à rechercher des objets, hein, qui pourraient susciter une réflexion, une discussion, voire une interaction, hein, avec le public. Et puis, dans mon cas, j'avais envie, pour vous parler un petit peu du projet au départ, j'avais envie de créer un objet sonore qui me permettrait en fait de communiquer, de m'exprimer sur lui. Mais j'ai été rapidement confronté à ce problème que vous évoquiez, qui est de comment créer un objet sonore qui pourrait être commenté, analysé, critiqué, lié à la condition même du son. Hein. C'est la problématique du son. J'ai un peu de peine à te suivre, là, Marius. C'est pas très clair, en fait, ce que tu essayes d'expliquer. Ce que tu nous expliques, je vais essayer de résumer. Oui, alors, je me permets d'intervenir. Hein, donc, j'ai aussi suivi le travail de Marius. Et puis, je crois que ce que Marius essaye de dire, ce qu'il aimerait vraiment essayer de formuler, c'est cette idée que le son se construit dans la durée. Ah oui, le son qui se construit dans la durée, donc il y a une certaine une certaine longueur et on ne peut pas l'arrêter, il n'y a pas de coprésence, c'est ça, Marius? Oui, alors c'est vrai, j'étais pas très clair là-dessus, mais j'aimerais quand même donc le son, hein, si on enregistre un objet sonore, on ne peut pas le voir dans son entier au même instant, c'est-à-dire si j'entends le début d'un son, après une minute plus tard, j'entends la suite de ce son, mais le son que j'ai entendu une minute avant n'existe plus. Oui, bon. Enfin, là, Marius, je crois que c'est vraiment très, très, très compliqué à comprendre. On va essayer de revenir un petit peu avant dans le processus de recherche, si tu le veux bien. Oui, avec plaisir. Donc, ma première idée, c'était de créer un objet sonore et de le critiquer en direct. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que je ne parviendrais pas, au fond, à en parler au même moment qu'on l'écoute, hein, puisqu'on écouterait ma propre voix par-dessus, par exemple. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'est effectivement un problème sérieux. Écoute, Marius, on va te laisser un petit peu respirer un instant parce que j'ai l'impression que tu perds un peu les pédales là. Donc on va s'écouter une petite chanson, c'est de la guitare africaine, c'est très court, hein, donc il faudra profiter de ce temps pour essayer de clarifier ton idée. Avec Marius pour discuter toujours de son projet. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ces enregistrements muséaux. Qu'est-ce que tu cherchais à faire en fait avec ça au fond? Je crois que ce que je cherchais à faire, parce que je travaille par ailleurs dans une recherche, hein, autour de la question de l'expérience muséale, hein, pour laquelle je vais présenter un spectacle qui s'intitule Fresque et qui aura lieu au Théâtre de l'Usine à Genève prochainement. Dans le cadre de cette recherche, j'essaie de comprendre en fait de quoi est faite l'expérience muséale, hein, et puis c'est pour ça que j'ai essayé d'extraire des ambiances de musée. Donc je suis allé voir le musée, par exemple, des Old Masters. On peut écouter quand même un petit peu l'ambiance de ce musée ensemble. Je crois que ce serait assez intéressant. Des fois, un son parle mieux qu'une parole, hein, comme on le dit souvent. Donc, en quelque sorte, il s'agirait pour toi, Marius, de reproduire et de pouvoir s'imaginer, par exemple, les peintures qu'on verrait dans ce musée. En fait, pas tellement. Pour moi, l'idée, ce serait plutôt de réussir, de parvenir par ce son à revivre l'expérience muséale, mais là où on se trouve, par l'artefact du média radiophonique. Donc, par exemple, on pourrait chacun, où on se trouve, essayer de regarder autour de nous et de percevoir les différentes choses qu'on voit. Comme si c'était des tableaux de grands maîtres, par exemple, je pense à Lucas Cranach, par exemple, qui était... Là, on passe devant le Lucas Cranach. Voilà, peut-être qu'à cette heure-ci, les gens sont dans leur cuisine, et puis ils peuvent regarder une bouilloire, par exemple, et puis s'imaginer que ça aurait la même valeur au fond qu'une peinture de grand maître, puisqu'on est dans cette... Personnellement, pour moi, l'exercice est difficile. L'exercice est difficile, Marius. On s'en rend bien compte. Moi, c'est vrai que j'ai regardé, par exemple, un verre d'eau qui était devant moi, mais j'ai eu de la peine à le transcender, à y voir autre chose que ce que c'était. Donc là, j'ai l'impression qu'on atteint peut-être une certaine limite de l'exercice. Oui, je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Et puis, c'est quelque chose, justement, qui m'a poussé à avancer dans mon projet de recherche radiophonique, puisque j'ai été très vite confronté à cet échec, cet exercice qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Donc comment tu as rebondi par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as cherché à faire? Moi, alors, donc, devant l'échec, devant cette impossibilité de produire un objet sonore que je pourrais analyser, critiquer, j'ai eu cette envie de revenir un petit peu à la base de ce qu'est le média radiophonique. Pour moi, c'est essayer d'être à la fois dans une discussion de l'instant avec les gens, et puis peut-être simplement de réaliser une émission, voilà, une émission dont je ne saurais pas forcément au préalable quel est le contenu, mais qui serait une émission en direct, voilà, avec un invité et puis un animateur. Voilà, donc ce serait cette possibilité d'avoir un animateur qui t'intéressait à la base, Marius, c'est ça? Oui, exactement, parce que moi j'ai moi-même fait un tout petit peu de radio pour le plaisir à un moment de ma carrière existentielle, et puis je me suis confronté à ce média et je l'ai beaucoup apprécié. Très bien, Marius. Écoute, on va se mettre un autre petit morceau, et puis on se retrouve après pour voir où ça va maintenant, ce grand projet. Marius, je crois qu'il y a un petit problème. On va mettre un autre morceau. Celui-ci, il a déjà été diffusé. sur Radio Picnic. Hein. On se retrouve dans notre émission Sons, toujours en présence de Marius Schafter, hein, qui nous parle un petit peu de son projet. Donc c'est vrai qu'on sait, on en sait un petit peu plus maintenant. Hein. Donc on a découvert à la fois, Marius, que tu as produit des chansons, hein, durant ces quelques jours. Hein. En fait, comment tu as travaillé sur la musique, hein, qui habille au fond cette émission? Bon, moi je ne suis pas musicien à la base, hein, donc j'ai travaillé un petit peu avec les moyens du bord. J'ai utilisé, elle est assez simple, c'est que j'ai utilisé une petite batterie électronique, hein, un sample pad, et puis comme je ne sais pas, voilà, forcément je n'ai pas de connaissance d'harmonie et mélodique, je me suis basé sur un petit morceau que j'avais appris à l'école, qui faisait sol mi ré do, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, donc à partir de cette base, hein, j'ai pu comme ça utiliser des notes qui, je pense, hein, puisque j'avais appris ça à l'école quand j'étais enfant, vont ensemble. Et puis j'ai juste reproduit donc une fois la version do ré mi sol. Et pour le premier morceau qu'on avait entendu avant, c'était ré mi do sol. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Je trouvais ça assez amusant, je dois dire, avec un looper, hein, qui permet de faire tourner un petit peu les chansons. Et puis ça, c'était une manière, je crois, principalement de m'évader un petit peu, hein, de m'évader du questionnement principal qui était de ce que j'allais... De ce que tu allais produire, en fait, hein, comme émission pour cette petite résidence d'une semaine à laquelle tu as participé. C'est exact, c'est ça. Oui, alors donc cette musique, c'est quelque chose qui nous plaît, hein, qui nous touche, hein, ici dans le studio. On a du plaisir à parler de ça, mais revenons quand même peut-être un peu plus sur le projet général qui était le tien. Donc tu nous as expliqué, hein, je résume, hein, l'impossibilité, hein, de créer un objet sonore que tu pourrais analyser, commenter en direct, et ta réaction qui a été celle de produire de viser à produire une émission radiophonique. Quelle est la spécificité de l'objet sonore pour toi? Bon, je dirais que quand je suis allé vendredi, hein, voir une conférence, hein, sur Gilles Deleuze, qui évoquait le fait que le son était processus par excellence, hein, par opposition à la peinture, hein, donc la peinture, elle, ne nous permet pas de percevoir le processus, alors que le son l'est constamment, hein, puisqu'on a affaire à quelque chose qui se construit dans la durée, hein, et qui disparaît à l'instant même où il se construit. Oui, alors ça, on te suit jusque-là, Marius, mais quelle est au fond l'idée que tu as voulu approfondir avec ça? En fait, il y en a pas tellement, hein. C'est juste que moi j'ai utilisé ce processus, c'est-à-dire que je me suis beaucoup baladé dans la ville avec un enregistreur, et puis j'ai enregistré des sons, j'ai enregistré environ, je dirais, 12 heures de sons, hein, dans des musées, dans des rues, et puis c'est comme ça les petites capsules que je vous ai fait écouter, et puis c'était plutôt pour moi une manière de m'imprégner, hein, de l'ambiance de la ville, et puis de me confronter à ça, plus que de créer un outil, un matériau qui permettrait de créer une pièce sonore. Au fond, j'en ai gardé que peu de choses, hein. J'en ai gardé une petite séquence de 2-3 minutes, hein, que je vous fais volontiers écouter maintenant. Avec plaisir, Marius. Il y a encore quelque chose au-dessus ? Ok, merci. Celui-là est en français, mais le son est vraiment faible. Ah, je ferais mieux de prendre en anglais alors. Ouais. Okay, parce d'accord. Que même le technicien, ils ont même pas su, parce que comme c'est encore, c'est très vieux ça. Ah, oui. Et les techniciens de maintenant, ils ont essayé de mettre le son un peu plus fort en français, mais c'est pas possible. D'accord. Et bon. Celui-là en anglais, il est un peu plus fort que le français. D'accord. Bon, moi, je vais prendre celui-là, ça ira très bien. Merci. Normalement, celui-là, on entend bien. Normalement. Ouais. Celui-là aussi. C'est ouais. En anglais, les deux. Parfait. Dis-moi, il est quelle heure en fait? Maintenant, il est moins quart. Si qu'est-ce que c'est en bas? Au moins 1, je ne sais pas derrière. Moins 1, c'est toujours en bas. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on y trouve? Moins 1, c'est la toilette. Moins 2, il y a une petite expo d'un projet social. D'accord. Sur le parking. Ah ouais, il faut descendre par ici. Moins 2, à gauche. Ok. Il faut les d'or. Ok, j'ai le temps de faire ça encore. Okay. Merci. Bonjour, pardon. Oui, en fait, je viens d'essayer d'aller voir l'expo dehors et maintenant j'aimerais rentrer pour aller dans le musée. Merci. Ah, pardon. Merci. C'est bon, on m'a ouvert, merci. Fermez ici, ok. Non, c'est bon, Gris, c'est bon, merci. Par où on rejoint la sortie? Montez l'escalier et vous reprenez la passerelle ici. Juste ah, ici. Et puis on... Ah, oui. Ah voilà, ici. Exact. Parfait, merci. La sortie? Ici. Here, downstairs, on the left? Downstairs. Yes. Ah, fermé, ok, d'accord. Une petite séquence, Marius, qui se passe, je crois, de commentaires, hein, très, très intéressant, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, moi, c'était juste un ensemble de, sur 3 jours, hein, c'est l'ensemble des interactions sociales et humaines que... Et puis, je trouvais que, au fond, j'ai voulu toutes les enlever des enregistrements, hein, parce que c'est quelque chose d'habitude qu'on enlève, hein, quand on fait des enregistrements, les interactions qu'on a par mégarde avec des gens. Et puis, finalement, c'est ça que j'ai gardé, quoi. Oui, d'accord, Marius. Alors, la question qui me taraude un petit peu, c'est au fond, où est-ce que tu en es par rapport à ton projet? Est-ce que, comment tu le vois se réaliser? Où est-ce que tu en es maintenant? Bon, maintenant, pour moi, c'est un moment assez fort, hein, puisque c'est un moment à la fois qui me permet de me confronter, hein, à des auditeurs, et puis qui me permet de me confronter aussi à mon propre projet. Et j'ai une sensation quand même, je dirais, assez négative, quoi. Je suis pas très confiant là en ce moment. Je me demande. Au début j'avais pensé que c'est, alors ça c'est vrai que quand même pour moi c'est un peu décevant parce que j'aimerais bien Oui, alors Marius, on va t'aider un petit peu. Qu'est-ce qui t'a déçu au fond? Qu'est-ce qui te plaît pas? Et qu'est-ce que tu aimerais changer, hein? Puisque tout peut encore évidemment changer à ce moment-là où on est maintenant. Tout est évidemment encore déjà possible. Oui, alors moi je crois que j'aimerais changer complètement l'idée. Hein, peut-être que j'aimerais changer de... Déjà, j'aimerais changer de rôle au fond. Je crois que j'aimerais pas être celui qui répond aux questions. J'aimerais pas être dans cette position parce que je me rends compte que ça me met en difficulté d'essayer de justifier mon propre projet. Et puis, je préférerais au fond poser moi-même des questions. Ça c'est déjà une chose. Oui, alors ça c'est déjà une piste. Et puis, comment tu pourrais imaginer ça pour la suite, hein? Comment tu pourrais y répondre? Ben, en fait, je me disais que j'aurais pu en fait prendre ta place, tu vois, et puis te poser des questions, par exemple sur ce que ça fait d'être animateur, mais je suis pas sûr que c'est ça au fond que j'aurais voulu faire. Oui, non, Marius, là j'ai l'impression que tu te méprends un petit peu, hein, sur l'échange de rôle. Donc on va peut-être juste passer encore une fois un petit peu de musique, hein, pour ce, à parce que tu vas te voir bientôt. Ah d'accord, oui, ok, oui d'accord. Donc on va simplement revenir un petit peu, Marius, sur attention Marius, voilà, on va te mettre un jingle, voilà. De retour sur Radio Picnique, hein, l'émission Le Sons. On est toujours avec Marius Schafter. Marius Schafter, une petite question pour toi. Au fond, quelle est en gros ton actualité, hein, prochainement? Ben beaucoup de choses, hein. D'abord il s'agira de réussir à produire, hein, cette émission, hein, à la créer, hein, ce projet que j'ai, qui me tient à cœur, de construire une émission radiophonique ici pour Radio Picnique. Et puis par la suite, beaucoup de choses, hein. Je vais notamment monter ce spectacle, hein, dont je parlais, Fresque, et puis sinon un petit peu des tournées avec ma conférence. Ta conférence, peut-être que tu pourrais nous en parler, nous dire deux, trois mots là-dessus. Oui, alors avec plaisir. Il s'agit d'une conférence, hein, que je donne de manière improvisée sur des objets physiques que je construis, hein, des sculptures, et que j'essaye de démonter et de déconstruire lors de la conférence, hein, qui est en elle-même improvisée. Ah oui, alors ça c'est quelque chose, en fait, qui a nourri, hein, ta réflexion par rapport à ce que tu fais maintenant, hein, j'ai l'impression, dans ta recherche sur la radio. C'est est-ce que c'est le cas? Oui, c'était une partie du point de départ, hein. C'est chercher à, en fait, à démontrer, pas vraiment à démontrer, hein, mais c'est essayer de vivre une situation qui serait celle d'une parole, hein, qui pourrait aller avant la pensée, c'est-à-dire une parole qui dit des choses, hein, avant même qu'elles aient été pensées. Oui, alors là, on s'éloigne beaucoup, hein, d'une pensée classique, hein, rationnel, scientifique, qui Marius, je te laisse me corriger, hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même la pensée précède la parole, hein, quand même. On a affaire à une pensée, hein, qui se construit, et puis ensuite on a une parole qui vient s'exprimer. Oui, mais ceci est justement lié à cette illusion, hein, du figé, hein. On n'est pas dans le processus, hein, comme avec le sonore, hein. L'idée de processus met en avant cette concomitance, hein, cette espèce de synchronicité. Au même moment où la chose est dite, elle est pensée, hein. Il n'y a pas de pensée préalable, hein. Et puis ce sont les mots qui construisent en eux-mêmes une pensée à travers eux. Et puis en fait, il y a quelque chose de très rassurant à penser que la pensée précède la parole, mais c'est pas le cas, hein. Et puis l'accepter, en tout cas en relever le défi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, alors ça, je crois qu'on le comprend, mais on peut aussi dire qu'on le ressent, hein, ce soir avec toi, Marius. Et puis on te remercie, hein, beaucoup, hein, d'être venu nous parler. Je remercie aussi mon collègue, hein, qui est intervenu un petit instant avant pour la discussion. Non, mais avec plaisir. Pour moi, c'était aussi très sympa de participer, même si j'ai été peu présent, j'ai pu quand même exprimer un certain nombre de choses. Et on remercie aussi, alors évidemment, Radio Picnic, hein, pour leur invitation. Et puis, Marius, on se réjouit de voir le résultat de cette semaine de recherche. Hein, quand tu présenteras ton travail, on sera très heureux de le diffuser et de l'écouter. En attendant, je souhaite une excellente soirée à tous nos auditeurs, hein, et puis à nos auditrices. Et puis, à toi aussi, Marius, à très bientôt. Bye bye. Allez, au revoir, merci.